Amis humains, bonjour. Je vous propose une série d'articles, toujours dans notre série sur la robotique. Un thème croustillant, sexe et robots, les liaisons dangereuses numéro 4 et fin. L'amour pour des personnes et l'affection pour des objets est peut-être plus poreuse qu'on ne l'imagine. De ce fait, l'amour envers un robot demeure une question intéressante, quand on voit ce que certains peuvent éprouver pour un tableau ou un animal de compagnie. Le psychanalyste Donald Winnicott parlait, à propos des peluches des enfants, d'objets transitionnels qui se trouvent investis d'attachement et d'amour, faisant le relais et le lien avec les figures maternelles et paternelles. Le robot pourrait jouer un tel rôle, voire plus, en théorie, oui, en réalité, on en est encore loin. Car les robots androïdes comme Gemini ont un défaut que n'ont pas les nounours et autres doudous. Ils nous ressemblent. L'homme est une créature extrêmement complexe et notre cerveau, résultat de plusieurs millions d'années d'évolution, est particulièrement performant pour reconnaître ce qui est humain ou pas, souligne Jean-Claude Dain, directeur de l'Institut de l'Internet et du Multimédia, auteur de Robots et Avatar, Odile Jacob, 2009. Le moindre détail qui cloche dans la morphologie ou le comportement déclenche inconsciemment des signaux d'alerte. Ainsi, les robots trop ressemblants à des humains sont plutôt considérés comme des monstres. C'est ce qu'on appelle l'effet de la vallée dérangeante, concept identifié en 1970 par le roboticien japonais Masahiro Mori. Cette réaction psychologique reste donc à dépasser. Si tel est le cas, un jour, l'homme n'échappera pas à de grands débats de société. Ce que reconnaît, quand même, David Lévy du bout de la plume. Je n'ai pas peur que les robots deviennent de meilleurs travailleurs dans tous les domaines, avocats, cuistots, politiciens, chirurgiens, mais qu'ils puissent être de meilleurs maris, épouses ou amants déjà. Au Japon, les rapports sexuels entre hommes et femmes se raréfient, alors qu'au contraire, l'industrie du sexe est plus florissante que jamais. Au pays de l'auto-érotisme roi, un tiers de la population ne ferait plus l'amour. En queue de peloton dans le classement mondial du taux de fécondité, le pays pourrait perdre le tiers de sa population d'ici à 2060. L'avènement des machines signera-t-elle la fin du couple? Quid de la natalité dans un monde déshumanisé où les partenaires sexuels sont faits de silicone, de vis et de boulons? Si l'amélioration continue de ces objets conduit à procurer une palette de sensations plus variées ou plus intenses que celles qu'on éprouve avec un être humain, cela risque de nuire à nos relations intimes, admet Jérôme Goffet. Une fois devenu le fidèle compagnon de l'homme, le robot pourrait, lui aussi, avoir son mot à dire. La Roxxxi de 2050 repoussera-t-elle les avances de son créateur Douglas, le quittera-t-elle pour Rocky, autrement plus séduisant? Plus généralement, verra-t-on un jour des machines refuser leur aliénation, comme le présage des films tels que Blade Runner ou Terminator? Ce n'est plus de la science-fiction. La Corée du Sud, par exemple, a déjà élaboré une charte de robots éthiques, censé éviter aux machines de se faire abuser par les hommes et vice-versa. Nous traitons aujourd'hui les machines comme des esclaves, que l'on achète et que l'on jette, constate Olivier Neureau. Dans le futur, ce rapport devra sans doute être redéfini. Face à la relation avec une entité artificielle, quel contrat social pourrait être mis en place? On assistera à un débat pour autoriser la présence de robots autonomes, avec ses partisans et ses détracteurs, comme à chaque évolution sociétale majeure. Question incongrue, oui, aussi incongrue que d'imaginer se promener avec un téléphone dans la poche, il y a encore 20 ans. Fin de sexe et robots, les liaisons dangereuses. À bientôt, grosse bise numérique.